Alors là, la chanson que je fais, si tu veux, elle parle des PD, tu vois. Mais ça veut pas dire parce que je parle des PD, je suis PD. Ah non, moi je suis pas PD, je suis pas PD, moi. Non, t'es fou, t'es... voilà. Alors, en fait, quand t'es homophobe, eh ben en fait, t'as peur que dès que tu croises un gay, tu vas te sauter dessus pour t'enculer. Tu vois, genre la phobie de tous les hétéros. Comme si, genre, t'étais le centre du monde du cul, là, tu vois. Et puis après, tu te rassures en te disant « Ouais, mais c'est pas naturel d'être homo, tu vois. » Et après, non mais, regarde des bonobos à la télé, tu sais. Regarde le reportage, puis tu vas te dire « C'est pas naturel. » Non, mais ta gueule. J'aurais voulu être un bébé pour que les gens aient peur de moi. J'aurais voulu être un pédé pour tout le monde croit que j'ai le sida. Et après tu trouves des excuses en disant ouais mais ça empêche de procréer. Toi tu veux faire des gosses alors qu'il y a plein de pauvres parents adoptés. Ouais. Bien sûr, ensuite le gosse en question il a eu une enfance pourrie, tu vois. Étant donné qu'il a des parents homo et qu'on est dans une société de merde, ah bah ça c'est clair. Le mec, toute sa vie, ça va le souffre quoi. Ah, donc réfléchis à deux fois au lieu de penser qu'à ta gueule et à adopter des gosses. T'sais, réfléchis-y avant. J'aurais voulu être un bébé pour que les gens aient peur de moi. J'aurais voulu être un bébé pour tout le monde croit que j'ai le sida. Après, il y a ceux qui vont à la Gay Pride, qui se travestissent, qui stand-inent, qui sont « Ah, youpla là, on se touche le cul, ouais, youpi, c'est la fête !» Après, ils s'étonnent que les gens, ils les traitent de tapettes vulgaires. Ouais, mais sauf que la Gay Pride, je sais pas si t'as compris, mais c'est presque le seul événement qui représente le mouvement gay. Donc ouais, t'étonnes pas si les gens ils te traitent de tapette. En plus, avoue-le, t'es une tapette. Mais si, t'es ta gueule, t'es une tapette. Allez, danse, danse, danse, danse. Allez, danse, danse, danse, danse. Vas-y, danse, danse, danse, danse, danse. Allez, yeah. Youhou. J'aurais voulu être un bébé pour que les gens aient peur de moi. J'aurais voulu être un pédé pour tout le monde croit que j'ai le sida. J'aurais voulu être un pédé pour que les gens aient peur de moi. J'aurais voulu être un pédé pour tout le monde croit que j'ai le sida.